Les deux reporters, littéralement emballés, viennent d'assister au passionnant interrogatoire de Ritou les mains jointes, mené magistralement par le commissaire Vaurouler. Guy et Sylvain ne voulurent point quitter la préfecture de police sans avoir remercié une fois encore le préfet et lui exprimé leur sentiment d'admiration pour les méthodes en usage dans ses services. Ils montèrent jusqu'à son cabinet, toujours flanqué de leur inséparable Léon Lamigraine. « Monsieur le préfet n'est pas là, répondit un huissier, mais descendez 4 étages, vous le trouverez au sous-sol, à la buanderie, où il fait, comme chaque jour, à cette heure-ci, sa partie de drap. Plaît-il ? Fit Guy, qui crut avoir mal entendu. Sa partie de quoi ? Eh bien, sa partie de drap, ça a l'air de vous étonner. Non, oui, c'est-à-dire au contraire, n'est-ce pas, Léon, est-ce que cet huissier se paye ma tête ? Pas le moins du monde, répondit Léon Lamigraine. Cet huissier dit la vérité sans la moindre ironie. Le fait est là, le préfet fait sa partie de drap. Écoutez, mon vieux, intervint Sylvain, je sais bien que du côté d'ailleurs, il se passe des choses dont nous n'avons pas l'habitude du côté d'ici. Mais de là, alors, voyons, le préfet fait sa partie de drap. Il est ridicule, à quoi ça rime. Calmez-vous, mon vieux. Si extraordinaire que ça puisse vous paraître, c'est comme ça. Le préfet joue au drap, et il n'est pas le seul. Le jeu de drap est par excellence celui qui se pratique le plus sur le territoire d'autres lieux. Le jeu de drap, s'exclama Guy, toujours incrédule, quoique un peu ébranlé. C'est bien la première fois que j'entends parler de ça. « Vous y jouez, vous, Léon ?» demanda Sylvain. « Bien entendu, comme tout le monde. »« Ça, alors ?»« Et il y a longtemps que ça existe, ce jeu de drap ?»« Il y a longtemps que ça existe, le jeu de drap. »« Ben, je crois bien. »« Personnellement, je l'ai toujours connu. »« Mes grands-parents y jouaient, mes parents y jouent, toute ma famille, tous mes amis également. »« C'est un jeu très ancien, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. »« Eh ben, mon vieux, dit Sylvain, nous n'en avions jamais entendu parler à Paris. »« Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme retard ?» rigola Léon. « Et comment ça se pratique ?» demanda Guy, qui commençait à s'intéresser à la chose. « Tout ce qu'il y a de simple. Ça se joue exactement comme à la belote, à la différence près, que les cartes sont remplacées par des draps. Mais attendez donc, j'ai un règlement sur moi, vous allez comprendre tout de suite, parce que, après tout, vous n'êtes tout de même pas moins bête que les autres. »« Sûr, approuva Guy. » Léon sortit un papier de sa poche et le tendit à Guy. « Tenez, dit-il, lisez, et soyez édifiés. »« Lis, à haute voix, fit Sylvain, que j'en croque aussi. » Et Guy lut. « Règlement du jeu de draps. » Le jeu est de 32 draps. Chaque drap a sa valeur propre ou sale, suivant son état, sa qualité et son ornementation. On joue communément à 4 ou à 12 joueurs, mais plutôt à 6. On donne 5 draps par joueur. Celui qui met a le droit de mettre à fil, à coton, à broder, à jour, etc. On bat, naturellement, le jeu de 32 draps comme un jeu de cartes ordinaire. On coupe et on retourne de même. Chaque partie se joue ordinairement en 400 points de feston, ou en 200 points de bourdon, le point de bourdon comptant double. Chaque fois qu'un joueur ramasse, il fait un pli. Quand il a fait 10 plis, il a gagné. Avant une seconde partie, il convient de donner un coup de fer au jeu pour le remettre en état. Tout joueur qui essaye de couper irrégulièrement avec une tête d'oreiller est automatiquement mis hors jeu. La tierce se compose de un drap de lin, un drap de coton et un drap reprisé. L'usage des draps marqués est formellement interdit et n'est d'ailleurs pratiqué que par des tricheurs professionnels. Voilà. Au poil, s'écria Guy. Quand je pense qu'on ne connaissait pas ça, faudra nous initier, Léon, quand vous voudrez. Allez, maintenant, allons rejoindre le préfet, il se fait tard. Le préfet sortait justement de la buanderie au moment où il se préparait à y pénétrer. Bonne partie, monsieur le préfet, sans qui Léon. Excellente, excellente, j'étais en pleine forme, je leur ai foutu une de ces piles. De piles de draps, comme de juste, de derrière les armoires à linge. Alors, mes amis, content de ce que vous avez vu ? Content et bien faible, monsieur le préfet, dit Sylvain. Nous sommes positivement emballés. J'en étais sûr. Il est vrai que le commissaire Vaurouler est un as en la matière. Il va falloir que je pense à le mettre à la circulation. À suivre, à la nage ou au vélo. Thank you. Le préfet de police d'autre lieu vient de dire, à l'ébahissement de Guy et de Sylvain, et à propos de l'exemplaire et parfait commissaire vous roulez, il va falloir que je pense à le mettre à la circulation. À la circulation, s'étonna Guy. Oui, quand nous sommes particulièrement satisfaits du rendement d'un de nos chefs de service, nous le collons pour une quinzaine de jours en qualité de simple agent à la circulation. C'est excellent pour sa santé, ça lui donne à réfléchir et ça l'immunise contre la maladie de la grosse tête. Sage mesure, reconnut Sylvain. C'est conforme à nos méthodes et à notre manière de voir. Mais j'y pense, mes amis, vous qui êtes reporters, ça vous intéresserait de participer à une expédition nocturne? Je crois bien, s'écria Guy. Bon, alors je vais vous arranger ça tout de suite. Mais venez d'abord dans mon bureau que je vous explique de quoi il s'agit. Je ne peux pas vous en parler dans les couloirs, parce que le secret le plus absolu doit être observé, et ça ne doit pas sortir de l'arrondissement. Et, une fois qu'ils furent tous installés dans le somptueux cabinet préfectoral, voilà, commença-t-il, l'expédition que je vous propose de suivre n'est pas exactement de mon ressort. Elle dépend directement du ministère de l'Éducation nationale et va être menée par des inspecteurs de la brigade financière. Mais, pardon, monsieur le préfet, objecta Sylvain, la brigade financière ne dépend-elle pas du ministère de l'Intérieur ? Évidemment, et c'est bien pour ça que le ministère de l'Éducation nationale s'en occupe. Ça ne me paraît pas très logique. Il s'agit, en l'occurrence, nullement de logique, mais bel et bien de brouiller les pistes et de ne pas attirer l'attention de l'adversaire. D'ailleurs, c'est supervisé par l'Intérieur. Ah, alors, en ce cas, bien. Donc, ce sont les inspecteurs de la brigade financière qui vont mener l'affaire. Et c'est une très grave affaire. Voilà de quoi il s'agit. Vous n'êtes évidemment pas sans ignorer ni savoir que, au mépris des lois et des conventions internationales, en contravention avec le code de la civilité puérile et honnête, l'audace des trafiquants de devises ne connaît plus de bornes. Ah, dit Guy, il s'agit de trafic de devises. Exactement. Et il est inadmissible, révoltant même, de penser que depuis beaucoup trop longtemps, toutes les polices du monde sont tenues en échec par une bande d'habiles et audacieux aigre-doux. Aigre-fin, monsieur le préfet, rectifia Léon la migraine. Ça revient au même. Ce qui est doux est fin, et ce qui est fin est doux. Donc, nous sommes résolus à enfiler. Des renseignements très précieux, en même temps que très précis, nous sont parvenus récemment, et c'est lui-même, un groupe de ces dangereux coquins va tenter de franchir notre frontière. Notre dispositif est d'ores et déjà en place. Quelques-uns des plus fins parmi nos meilleurs limiers sont prêts à l'action. Et cette fois, plaise au ciel, nous espérons bien que force restera à la loi. Maintenant, je vous préviens, ça risque de ne pas être du tout cuit. Nous avons affaire à des durs, à des individus prêts à tout, et qui ne reculeront devant rien. Il y aura peut-être de la casse. Voilà, je vous ai tout dit. Ça vous intéresse toujours ? Plus que jamais, répondirent ensemble Guy et Sylvain. Alors, parfait. Je vais immédiatement donner des instructions pour qu'on vous accueille là-bas et qu'on facilite votre tâche. Le préfet prit le téléphone. Allô, dit-il, le standard ? Bien. Passez-moi la frontière. La frontière ? F comme pharmacien, R comme erratum, O comme... Oui, c'est ça, la frontière. Bien, merci. Non, je ne quitte pas. Allô, la frontière. Ici le préfet de police d'autre lieu. Passez-moi le commissaire Leray Dubois. Allô, Leray Dubois. Bonjour. Dites-moi, c'est toujours convenu pour cette nuit? Bien, bien. Alors dites, mon vieux, je vous envoie deux amis. Messieurs Guy Lanneuf et Sylvain Étiré. Reporter à mardi 8h. Oui, ah, vous en avez entendu parler. Oui, des amis du gouverneur. C'est ça. Comment? Ah, leur hache est prévue pour minuit. Très bien, très bien. Alors d'accord. Bon, prenez-en soin. Je compte sur vous. Merci. Au revoir, mon vieux. Et bonne chasse. Voilà, mes amis. Tout est paré. Nous ne savons comment vous remercier, dit Sylvain. Eh bien, quand vous le saurez, vous viendrez me le dire. Ah, alors vous prendrez l'avion de la préfecture. Je vais téléphoner au terrain. Soyez-y dans 3/4 d'heure, car il y a un bon bout de chemin jusqu'à la frontière. Alors au revoir, mes amis. Très heureux d'avoir pu vous obliger. Et le préfet, fuyant les effusions, s'éclipsa. Au fait, j'y pense tout à coup, dit Guy. Venez pas avec nous, Léon? Non, excusez-moi, mais c'est mon jour de club. Et il doit y avoir à la séance de ce soir une démonstration spéciale par un type extraordinaire. Un Kurde, m'a-t-on dit, qui a une... Oui, oui, coupa Sylvain. On vous fait confiance. Mais ne nous mènerez-vous pas au terrain? Bien sûr que si. Allons-y tout de suite. En route. À suivre. Par voie aérienne, de conséquence. Thank you. Guy et Sylvain se sont envolés pour une destination frontalière et opérationnelle secrète. Après 3 heures environ d'un vol sans histoire et sans visibilité, l'avion se posa à proximité immédiate de la frontière sur un minuscule terrain privé. À leur descente d'appareil, ils furent réceptionnés, comme on dit, par le commissaire Leray Dubois qui les emmena incontinent dans une maisonnette sise en bordure d'un champ grégorien. « C'est notre PC, » expliqua-t-il. « Alors, messieurs, je vous recommande la plus grande prudence, la stricte observance des consignes et surtout le silence. La frontière est toute proche et nous devons avoir l'œil. » La radio à l'intérieur du poste crépitait. Un inspecteur, casque aux oreilles, recevait un message. Il le nota sur un papier qu'il tendit au commissaire. « C'est un message d'alerte de dernière minute, » dit celui-ci aux deux amis, qui dit ceci. « Ministère de l'Intérieur à tous les postes frontières. Ministère de l'Intérieur à tous les postes frontières. État permanent d'alerte, sauf aux heures des repas. Renfoncer tout contrôle, redoubler d'attention. FG, terminé. » « Pardon, commissaire, » questionna Guy. « Qu'est-ce que ça signifie, FG ?» FG, en langage secret de surveillance du territoire, ça veut dire faire gaffe. Maintenant, messieurs, suivez-moi et toujours dans le plus grand silence. Ils s'engagèrent à la suite du commissaire Leray Dubois dans un sentier étroit qui aboutissait à une espèce de tranchée dans laquelle on apercevait, ou plutôt l'on soupçonnait, tant l'obscurité était profonde, 4 hommes accroupis les yeux et les oreilles aux aguets. « Ça va ?» murmura dans un souffle le commissaire. « Oui, patron, » répondit une voix. « Rien encore ?» « Rien encore, mais ça ne va pas tarder, il est 12:00. À l'heure du commissaire, si rien d'insolite ne s'y oppose, il sera 15:15 dans 3 minutes. « Ils sont forts, » glissa Guy dans la rue de Sylvain. « Faites l'appel, » ordonna le commissaire. « Bien, patron, » répondit la voix qui appela aussitôt. « Langlumé, présent. Mise à zéro, présent. Millefeuille, présent. Bougre de Combre, absent. Absent, pourquoi ? État enterrement. Quel enterrement ? Le sien, chef. Il a passé sous un autobus avant-hier. À part lui, il manque personne, patron. Bon, écoutez-moi bien, vous allez partir en patrouille. Brigadier Mouniamiel, prenez le commandement. Bien, patron. Allez, vous autres, en route, suivez-les, dit le commissaire aux deux journalistes. Et les 4 hommes, en file indienne, suivis de Guy et de Sylvain, en file à file, s'enfoncèrent silencieusement dans la nuit. 2 chats policiers, spécialement dressés pour la chasse aux trafiquants de devises, les accompagnaient. Le ciel était sombre et le temps, couvert, se découvrait de temps à autre par politesse. Soudain, un ordre bref. « Halte !» La patrouille stoppée net s'immobilisa. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mise à zéro, fit le brigadier Bouniamiel. « Lueur suspecte à bâbord à 2 encablures de mes rotules. Passez-moi vos jumelles. Je ne les ai pas, chef. Où sont-elles ? Chez leur grand-mère. Elles préparent leur catéchisme. Bien, l'englumé. Donnez-moi votre monocle à objectif trinoculaire. Voilà, chef. » Et le brigadier Bouniamiel observa la lueur signalée. Éclair de magnésium, je suis au courant. Ce sont les photographes de l'astronomie judiciaire qui prennent des clichés de la nouvelle lune. Fausse alerte, en avant. Et la patrouille reprit sa marche fantomatique. Soudain, les 2 chats policiers firent entendre un miaulement significatif et leurs poils se hérissèrent. Oh oh, dit Guy, ça va barder. Ça veut dire qu'ils ont repéré quelque chose d'anormal. En effet, des piétinements se faisaient entendre ainsi que des chuchotements furtifs. Le brigadier Mouniamiel ordonna dans un souffle. 12 derrière moi, en formation groupée. Tous s'exécutèrent. « Attention, attention, préparez-vous à vous tenir prêts. » « C'est curieux, » murmura Guy. Les pas se rapprochent et les chuchotements s'éloignent. « C'est la loi des contrastes, » dit Sylvain. Les bruits s'étaient tus. Les 4 hommes, le doigt sur la détente de leur mitraillette, le cœur battant, se tenaient prêts au pire, les traits crispés par cette attente exaspérante. Et soudain, 4 ombres se profilèrent sur le bas-côté du ronflement d'un talus. 4 ombres se dirigeant à pas feutrés vers la croisée des chemins d'un sentier vicinal. « Police !» hurla le brigadier. « Haut les mains et pas les pattes !»« ça va !» goya une voix crapuleusement enrouée. « Faudrait savoir ce que vous voulez, on peut pas tout faire en même temps. »« Silence ! À mon commandement ! Mouvement respiratoire ! Haut les mains, bas les pattes, haut les mains, bas les pattes, haut les mains !» Les 4 hommes s'exécutèrent du mieux qu'elles purent. « C'est !» braya Bouniamiel. « Attention ! Mouvement alternatif des bras et des jambes avec circumduction du tronc et élongation des gencives. Commencez ! 1, 2, 3, 4, c'est, repos, il y en a vous, repos, inspection des armes, présentez, armes, à suivre avec obstination et persévérance. Thank you. brigadier Bougnamiel vient de commander aux quatre truands dépistés, présentez armes. Les quatre truands baissaient alors 7,65 et le brigadier colla successivement son œil à l'orifice de chaque canon. Puis, il lança un nouveau commandement. Armes dans la poche! Hoche! Garde à vous! Repos! C'est une méthode à moi, expliqua-t-il en se retournant aux deux reporters. C'est infaillible. Ils s'y attendent tellement peu qu'ils obéissent automatiquement au commandement. Ça les neutralise et ça leur enlève toute réaction. Formidable, firent les deux amis. Le brigadier Bougnamiel, revenant alors aux quatre ombres, leur intima alors d'avancer. Ces hommes se transformèrent en silhouettes, puis en quatre individus à la mine peu rassurante. Ils portaient chacun un ballot sur l'épaule. Qu'est-ce que vous foutez ici? Qui êtes-vous? Celui qui avait déjà parlé et qui paraissait être le chef de la bande répondit. On est des bistrostésistes. Des quoi? Des bistrostésistes, des gars qui cherchent un bistrot, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les ballots que vous trimballez sur le dos? De la farine de moutarde et du mimosa en conserve. Ouais, vraiment? Allez, suivez-moi au poste, vous expliquerez devant le patron. Vous autres, encadrez-les. En route. Quelques secondes plus tard, tout le monde se trouvait réuni dans le poste de commandement du commissaire Leray Dubois. Celui-ci exultait. Bravo, Bougnamiel, bravo les enfants, beau travail, bonne prise. Ainsi donc, voici nos trafiquants de devises. Les quatre truands se récrièrent. On n'est pas des trafiquants de devises, on est d'honnêtes négociants qui vaut gueule! Hurla le commissaire Millefeuille. Vous avez vérifié le contenu de leur ballot? Oui, patron. Alors, c'est bien ce qu'ils ont annoncé, c'est de la farine de moutarde et du mimosa en conserve. Mais bien sûr, commandons. Allez, à poil, vous ôtez vivement. Les quatre hommes se dévêtirent complètement. Passez-moi les vêtements et le linge, ordonna le commissaire. À qui est-ce? À moi, répondit l'individu à la voix éraillée. Ah bah, tu portes un slip avec une poche revolver. C'est la mode. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est que les papiers qu'il y a dedans? Oh, rien, hein, c'est des souvenirs d'école. Vraiment? Est-ce que tu te fous de moi? Mais monsieur le commissaire, trafiquant de devises, hein? Mais monsieur le commissaire, je vous assure. Merci, je suis déjà assuré, aux tiers illimités. Monsieur, s'adressa-t-il à Guy, voulez-vous avoir l'extrême obligeance de nous lire ce qu'il y a décrit sur les prétendus souvenirs d'école de ce gentleman? Guy prit les papiers et lut. L'État, c'est moi. Futuat d'Ecbergiture, liberté, égalité, fraternité. Guinness is good for you. On y soit qui mal y pense. Et alors, triompha le commissaire, c'est pas des devises, ça? C'est bon, fit sombrement l'homme. Je suis fait. Le commissaire reprit les papiers à Guy et lut à son tour. Je maintiendrai. Roi ne suit, prince ne daigne, Rohan suit. Eh ben, mon salaud, vous mochez pas avec un manche de pioche. Et ça, qu'est-ce que c'est? On lit mal, c'est tout froissé, tout maculé. Et mon cul, c'est du bazar. Qu'est-ce que c'est que cette devise? C'est pas une devise, c'est un télégramme que j'ai reçu hier. C'est ma femme qui me l'a envoyé pour me prévenir que... Et ça? C'est des devises, peut-être? Pluribus in homme, vivre libre, l'égal de tous et membre du souverain. Ralliez-vous à mon panache de fumée, vous le trouverez toujours sur le chemin de fer. C'est la devise de la SNCF. Ah ouais, et celle-ci, par ici la bonne soupe. Ben, c'est la devise des Bourbons sous la Restauration. Sale petite crapule. Mais attention, Millefeuille, Michel Zéro, l'englumé, ouvrez-lui la bouche. Il essaye d'avaler quelque chose. Les trois inspecteurs se précipitèrent sur l'homme qui se roulait par terre en serrant convulsivement les mâchoires. Voilà, patron, dit Michel Zéro. C'est une boulette de viande. Faites voir. Oh oh, très astucieux. C'est une boulette de viande qui enveloppe une boulette de papier. Voyons un peu. C'est rien, monsieur le commissaire, c'est rien, halta l'homme qui s'était relevé. Ça va, Michel Zéro, passez-moi une loupe. J'en ai pas, patron. Mais il y a l'englumé qui a une excroissance sur le crâne. Ça ira. Approchez l'englumé. Voyons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mal écrit. Hein? Ah, si tu n'en veux pas, je la remets dans ma culotte, ça ne mange pas de pain. Qu'est-ce que c'est que cette devise? C'est la mienne, commissaire, dit l'homme à la boulette. J'aime peu les biscottes. Ouais, ton nom. D'enfoiré, Jules César Alexandre. Et toi, le chef de la bande? Forcément, j'aime les calembours. Le commissaire, sans répondre, se tourna vers le brigadier Bougnamiel. Passez-moi sans fil tout de suite. Urgent et très secret. Stop. Direction financière autre lieu. Stop. Trafic de vis décapité. Stop. Avons capturé bande d'enfoirés. Stop. Bon baiser à tous. Stop. Bon, allez, emmenez-moi ces gars-là en cabane. On les transférera demain à autre lieu. Brigadier chef Bougnamiel, toutes mes félicitations. Et vous faire inscrire au tableau d'avancement. Merci, patron, mais si ça ne vous dérange pas, je suis bien ici et je voudrais pas changer de poste. Ah ouais? Et pourquoi? J'y suis, j'y reste. C'est ma devise. Le commissaire emmena les deux amis dans son bureau personnel. Il les refrit, pour les remettre de leurs émotions, un saladier de vin chaud conservé avec une seringue. Puis, après une dernière et chaleureuse poignée de main, ils remontèrent dans l'avion préfectoral. « Au revoir, monsieur le commissaire, » dit Guy. « Nous vous devons le reportage de notre vie, » dit Sylvain. « Vous m'envoyez ravi. Adieu, messieurs. Et n'oubliez pas, de ma part, de faire une grosse caresse au préfet. Nous n'y manquerons pas. » Et l'appareil décolla. À suivre, avec le sentiment du devoir bien rempli. Thank you. et Sylvain viennent d'effectuer un sensationnel reportage sur la mise hors d'état de nuire d'un redoutable gang de trafiquants de devises. Ce matin-là, et par exception, Son Excellence Alexandre Le Yang, gouverneur général d'autre lieu, était de fort méchante humeur. Ça ne lui arrivait pas souvent, mais quand ça le prenait, ça faisait des étincelles. Courroucé, les cheveux en bataille, le visage cramoisi, il arpentait son cabinet de long en large et de large en long, ne s'arrêtant de temps à autre que pour frapper de grands coups de poing sur son bureau. « C'est une honte !» vociférait-il. « Une indignité, un scandale ! Oui, un scandale ! Vous entendez, vous autres ?»« Oui, Excellence !» balbutièrent tout tremblant cinq ou six hauts dignitaires du palais littéralement terrifiés. « oui, Excellence, c'est tout ce que vous êtes capable de me répondre, n'est-ce pas, bande de gens foutres ? Que c'est tout ce dont vous êtes capable ?»« Oui, Excellence, répondirent les autres à deux doigts de la débâcle intestinale. Et savez-vous pourquoi c'est un scandale ?»« Non, Excellence, naturellement, vous ne savez jamais rien. Eh, foutez-moi le camp ! Après tout, vous n'avez pas besoin de le savoir. Il est déjà trop que je le sache. » Les hauts dignitaires ne se le firent pas répéter deux fois et filèrent comme un pet de pucelle sur du verglas. « Antimoine !» appela le gouverneur, d'une voix à faire trembler le chauffage central. Antimoine, un des huissiers du palais, passa prudemment la tête par la porte entrebâillée. « Votre Excellence, où est le ministre de la Justice ?»« Il vide les seaux, Excellence. »« Ah, il vide les seaux. Je vais lui vider quelque chose, moi. Allez me le chercher, ramenez-le d'urgence, mort ou vif. »« Bien, Excellence. » Alexandre Le Yang reprit sa marche rageuse à travers son cabinet. Il stoppa devant son bar particulier, l'ouvrit, se versa une large rasade de whisky additionnée d'un soupçon de queue de cerise et de quelques gouttes de teinture d'arnica. Il avala le tout d'un trait, puis respira longuement. « Vous, grande gougnafière, commença-t-il à bougonner. Voir ça ici, à autre lieu, du côté d'ailleurs, c'est en frappa. »« Entrez » cria-t-il. Antimoine annonça. « Monsieur le ministre de la Justice. » Et le ministre entra. Il avait une bonne tête de ministre. Sa coupe de visage, ses yeux, son nez, son menton, ses cheveux étaient ministériels. Il s'inclina respectueusement devant le gouverneur. « Ah, c'est vous !» interrogea ce dernier sarcastique. « Oui, Excellence, c'est moi, » répondit le ministre. À moins que, à la suite d'un phénomène inexplicable, ce soit un autre. Eh oh, pourquoi vous avez fait appeler ? Non, Excellence. Tant mieux, parce que si vous l'aviez su, vous ne seriez probablement pas venu. C'est si grave que ça, Excellence ? Extrêmement grave. Tout d'abord, répondez à mes questions. Pour que la justice soit efficace, qu'est-ce qu'il faut qu'elle soit ? Il faut qu'elle soit sereine, Excellence. Bien. Pour qu'elle soit sereine, qu'est-ce qu'il faut qu'elle soit ? Il faut qu'elle soit propre, Excellence. Bon. Et pour qu'elle soit propre, qu'est-ce qu'il faut qu'elle soit ? Il faut qu'elle soit soigneusement entretenue. Soigneusement entretenue, éclata le gouverneur, qui jusque-là s'était contenu difficilement. Soigneusement entretenue, je ne vous le fais pas dire. Mais, Excellence, il n'y a pas de mais, Excellence. Il y a que vous foulez systématiquement aux pieds ces principes élémentaires et fondamentaux. Excellence, taisez-vous. Plusieurs rapports émanant de légistes dignes de foi et de magistrats intègres m'ont à diverses reprises signalé un regrettable laisser-aller dans la tenue du palais de justice. Excellence, je silence. Je ne suis pas homme, vous le savez, à prêter une oreille attentive aux cancans et aux racontards. Et tu as vérifié moi-même. C'est une véritable dégoûtation. Pour les chambres, tant correctionnelles que criminelles, ça peut, à la rigueur, encore aller. Celle du civil aussi. Les cours ont besoin d'un coup de serpillière, mais poussant aussi loin que possible d'un but d'ange, n'en dirait trop rien. Mais le parquet, monsieur, le parquet, je dis bien le parquet, est tout simplement dégoûtant. De quoi avons-nous l'air, je vous le demande. Mais enfin, Excellence, je ne peux tout de même pas, je ne veux rien savoir. Je vous tiens pour responsable, et c'est ce que vous allez me dire, que vos hautes fonctions vous interdisent des besoins mercenaires. On ne vous en demande pas tant. On vous demande de veiller à l'état des lieux, de donner des instructions en conséquence et de vérifier si elles ont été entendues et suivies. Le chef est toujours responsable. M'entendez toujours. Êtes-vous oui ou non au ministre de la Justice ? J'ai cet honneur, Excellence. Et vous n'en êtes pas digne, car vous ne devez rien ignorer de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas au palais. Voulez-vous que je vous dise, tenez, monsieur, vous êtes un dégueulasse. Oui, un dégueulasse. Et avec 3 G et 6 S encore. Le gouverneur, au bord de la congestion, se versa une nouvelle rasade et l'avala goulûment. « Alors voilà pourquoi je vous ai fait mander, monsieur. Je veux que bon ordre soit apporté à tout ça et sans délai. Je suis navré, Excellence, mais croyez bien que ça va pas de salade. Je veux que le nécessaire soit fait, ou je me verrai dans l'obligation de vous foutre aux bijoux. Et c'est pas demain que vous retrouverez une place de ministre de la Justice comme celle que vous avez ici. Ça sera fait, Excellence. J'espère bien. Alors c'est bien compris. Oui, Excellence. Je veux que ça brille. Ça brillera, Excellence. Je veux que ça soit nettoyé, briqué, poli, lustré. Il en sera fait selon votre volonté, Excellence. Et que ça reluise, ça reluira, Excellence. Et que tout soit nickel, ça sera, Excellence. Ça va, j'y aurai l'œil, vous pouvez disposer. À suivre ou pas, selon qu'on le veuille ou non.